Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce décrassage auditif hebdomadaire du métal en fusion qui vont vous dégouliner dans les oreilles et qui vous enlever tout le cérumen, comme à chaque fois d'ailleurs. Je pense qu'Electric Shock devrait être remboursé par la Sécurité sociale, rien que pour ça, voilà. Donc ce soir, eh bien, des nouveautés au nombre de 4 dans des registres complètement différents. Enfin, si vous connaissez l'émission, vous savez que bah, c'est un petit survol de tous les genres et sous-genres donc, qui composent notre style musical préféré. Donc plein de choses différentes ce soir, comme toujours. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une des 4 nouveautés que je vous ai dites à l'instant. Un live très attendu, c'est le live de Scorpion, Coming Home Live. Live enregistré à Hanovre, donc chez eux, au mois de juillet dernier pour leurs 60 ans de carrière quand même. Vous en connaissez beaucoup des groupes qui ont 60 ans de carrière? Ben, à part eux, les Rolling Stones, je crois que on est à peu près, c'est à peu près tout, hein. Les Who, peut-être. Enfin, bref. C'est vraiment très réduit. Et Scorpion nous montre qu'ils ont toujours la niaque. Alors, c'est vrai que si vous êtes comme moi, vous avez regardé des vidéos sur YouTube de leurs prestations au Hellfest ou à d'autres concerts. Musicalement, il n'y a pas à dire, ça tient la route, c'est toujours aussi péchu, ça joue toujours aussi bien. Klaus Meine, par contre, montrait quand même des signes de fatigue quand même. Bon, chanter quand même à 77 ans comme il le fait, quand même bonjour l'exploit. Et là, je ne sais pas si c'était le fait d'être de retour chez lui dans sa ville natale qui est Hanovre, ou peut-être le fait d'être un bon jour, ou peut-être aussi la magie des overdubs, ça reste à prouver. Enfin, toujours est-il que sur ce live, bah, je trouve qu'ils ne sont pas encore ridicules et qu'ils en ont encore vraiment dans le slip. Et je pense qu'ils sont partis d'ailleurs pour des années. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette tournée va continuer l'année prochaine. Et je crois qu'au mois de juillet, ils seront à Bercy, puis deux, trois autres dates en France. Eh ben, on va découvrir ce live tout de suite. Eh ben, comme il y a 40 ans sur le World Wide Live, ce live commence tout de suite par Coming Home. Alors, sur ce live, ben, pas de grande surprise, hein, c'est un best-of. Une petite chose, un petit medley des 70s, quand même, pour se remémorer le passé. Et voilà, on aurait bien aimé quand même des choses un petit peu plus... J'aurais bien aimé un truc genre le Wacken 2006, ou pour leurs 40 ans, là, vraiment, on a eu un super survol. Mais enfin, bon, quand même, c'est quand même pas mal du tout. Donc, comme il y a 40 ans sur World Wide Live, le concert commence avec Coming Home. 60 years. Coming home. Dream we're going on Gas in the Tank, l'unique rescapé du dernier album studio Rock Believer, pourtant vraiment excellent. Mais bon, c'est clair que quand on a une carrière comme Scorpion, faut laisser des choses de côté, sinon un concert il durerait 3 ou 4 heures, c'est clair. Gas in the Tank et Coming Home, donc tous deux extraits du dernier live, Coming Home Live, sorti début décembre, live commémoratif donc de leurs 60 ans de carrière. Waouh, quand même. Que vous aimez ou vous aimez pas, respect, il n'y a pas à dire. Voilà. Tiens, maintenant, allons faire un petit tour du côté de Grenoble, retrouver Face in Agony, groupe à la croisée du rock alternatif et du métal, qui, je pense, est en train de faire vraiment un beau petit bout de chemin, qui existe donc depuis 2016 et qui nous a fait sortir un premier album en 2021 remarqué, et le deuxième Insight est vraiment une belle réussite. Le groupe composé donc de la chanteuse Maddie, qui avant était dans Nightmare, quand même, où elle avait montré quand même de belles capacités vocales. Et là, je pense qu'elle est vraiment dans son élément. Avec l'album Being Inside, donc je vous disais, et on va écouter Being Beautious, l'album, le morceau qui ouvre l'album. Mammoth, avec le morceau Selfish, extrait de The End Mammoth, donc projet du fils d'Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, digne fils de son père, il n'y a pas à dire. Et pour la petite histoire, sachez que Mammoth était le premier nom de Van Halen dans les années 70, mais pour des questions de droit, je crois qu'ils n'avaient pas pu le garder. Enfin voilà, pour la petite histoire. Juste avant, bien de chez nous, Made in France, Face in Agony, leur deuxième album Insight, et c'était le morceau Beating Beauteous, donc Face in Agony, groupe qui nous vient de Grenoble. Tiens, on va y rester à Grenoble pour la suite, mais registre beaucoup plus musclé avec le groupe Elixir avec deux L et deux X, groupe de heavy trash def qui existe depuis 2001 et qui vient de sortir donc son quatrième album Behind the Frame, et on va s'écouter pour notre plus grand plaisir le morceau Far Away from My Previous Life. Take a chance on offering me. We'll be right back. aurait cru que les vétérans de Testament étaient capables d'autant de hargne et de furie? Eh ben la preuve, hein. Comme quoi, le poids des ans, c'est pas toujours pour tout le monde. Hein. Testament, après 40 ans de carrière, nous montre qu'ils peuvent toujours remonter aux petits jeunes avec ce fort The Love of Pain qui ouvre le dernier et excellent album Parabellum, un super album vraiment hyper varié, avec plein de choses très intéressantes. Avant Made in France, venu de Grenoble, le groupe Elixir et son quatrième album, c'était Far Away From My Precious Life, extrait donc de l'album Beyond The Frame. Changeons encore une fois de style avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe féminin qui s'appelle Kill The Princess, qui existe depuis 2019 et qui a déjà sorti un album en 2023. Ils viennent de sortir leur deuxième là récemment, fin novembre. Alors comment le décrire, leur musique? C'est un rock alternatif qui oscille entre pop, punk et metal, c'est-à-dire du rock péchu, couillu, comme on l'aime, voilà, qui a donc toute sa place dans Electric Shock, sans problème. Donc ce nouvel album est un mélange de grunge, de rock et de métal, comme je vous le disais, et on va découvrir tout de suite le morceau The Outsider. Yeah. tenace, mais des victoires passées, effacées toutes traces. Imposteur, ça c'est un extrait du nouvel album des Fallen Lilies, Cran, Fallen Lilies, que vous devez bien connaître si vous êtes des fidèles auditeurs d'Electric Shock, parce qu'on a déjà passé pas loin de la moitié du dernier album. Tout nouveau, tout beau, tout chaud, le nouvel album de Kill the Princess, Fire Within, et c'était donc The Outsider qu'on s'est écouté ce soir. Déjà 19h40 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, votre magazine métal, donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Tiens, on va revenir à un autre groupe de légende. Tout à l'heure, on a eu Scorpion avec Def Leppard, qui revient donc avec un nouveau live enregistré en 2023 chez eux à Sheffield. Donc, vraiment à la maison, devant 40 000 personnes, où le groupe donc commençait donc la tournée pour l'album Diamond Star Halos, un album qui était assez réussi. Malheureusement, assez peu représenté sur ce live, juste 3 morceaux. Ça, vous connaissez, c'est mon côté un petit peu chieur. Mais par contre, tous les classiques sont là, et c'est comme le principal pour la plupart des gens. Et un morceau qui est vraiment incontournable de Def Leppard, je pense que moi, je serais vraiment très déçu s'il ne le joue pas. C'est un rescapé de High and Dry, c'est toujours le Bringing on the Heartbreak, toujours couplé avec ce petit instrumental Switch 6 to 5. C'est ce qu'on va s'écouter là tout de suite, maintenant. Waouh! J'adore ce petit instrumental. Et puis, hey, quelle performance pour Rick Allen quand on pense que le gagne la caméra. Respect. Sweet 625. Pour la petite histoire, sachez que ce morceau, quand j'ai créé Electric Shock, ben, il faisait partie des finalistes quand je me demandais qu'est-ce que j'allais prendre comme générique pour commencer l'émission, pour mettre bien dans l'ambiance. Il y a plusieurs morceaux qui étaient en tête. Il y avait le Transylvania d'Iron Maiden, le Coast to Coast de Scorpion, entre autres aussi. Et puis finalement, j'ai opté pour Shock de Fear Factory. Voilà, mais enfin, vous voyez comme quoi il faisait partie donc des finalistes. Switch 625, il est indissociable de Bringing on the Heartbreak, hein, comme sur l'album High and Dry. Et ça, ces deux extraits qu'on vient de se faire là sont extraits du dernier live Diamond Star Heroes, Live from Sheffield, un live indispensable si vous aimez Def Leppard ou si vous avez envie de découvrir tout simplement. Et d'ailleurs, Def Leppard va enfin venir nous rendre visite en France. Pour une fois que c'est pas en festival, en salle, ce sera donc début juillet à Bercy. Pardon, l'Accor Arena Hotel. Ça, qu'est-ce que j'ai du mal avec ça. Enfin, on va se faire quelque chose maintenant de très 70s et pourtant très actuel avec le groupe Mirador. Alors Mirador, c'est ni peu ni moins que l'association de Jack Kiska, le guitariste de Greta Van Fleet, associé avec un de ses potes d'un groupe anglais qui s'appelle Idamay. On est toujours dans le rock zeppelinien, ça y a pas à dire. Il n'y a pas grande différence entre Mirador et Greta Van Fleet, donc les fans de l'un vont adorer, bien sûr. Extrait donc de l'album éponyme, c'est Fortune's Fate. On va se faire maintenant. to have some more of that. Esprit des 70s toujours, Rival Sons et leur dernier EP, Lightbringer, sorti en 2023. Bah tiens, ce serait bien qu'en 2026, ils nous sortent un nouvel opus. Moi, j'attends ça avec une certaine impatience. C'était donc Sweet Life. Juste avant, bah dans le même esprit, plus récent puisque sorti là au mois de septembre, Mirador avec son album éponyme et le morceau Fortune's Fate. Et il est déjà 20h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la première heure d'Electric Shock vient de se terminer à l'instant. Et la deuxième heure commence tout de suite avec la troisième nouveauté de la soirée. On va faire du français bien de chez nous, même ils sont du coin, avec le groupe Demon Tool. Demon Tool, le groupe qui existe depuis maintenant... depuis le début des années 2000, malgré une petite interruption au milieu des années 2010, et ils sont de retour depuis 2017 et ils ont fait quand même pas mal de concerts. Si vous avez peut-être eu l'occasion de les voir pas mal de fois au Dropkick, entre autres. Et là, entre autres, bah, ils ont sorti leur nouvel album La Valse des âmes, le troisième, sorti donc le 5 décembre dernier. Alors si vous aimez le heavy metal des années 80 chanté en français avec une voix assez rugueuse, bah, je pense que vous allez vraiment adoré, et c'est vraiment dans cet esprit-là. Tiens, et pour la petite histoire, Chris le chanteur, c'est ni plus ni moins que le patron du Demon Bar, bien connu à Outerville, bien sûr. On va s'écouter un petit extrait donc de cet album maintenant, avec le morceau Abyss. Ma chair en avant, couverte d'espoir. aurait cru il y a quelques années que Sortilège reviendrait, et surtout d'une forme aussi olympique? Bah, pas grand monde, bah, moi le premier d'ailleurs. Médusa, c'est extrait du Poids de l'âme, et c'était également le premier extrait donc de cet album vraiment excellent. Juste avant Sortilège, Esprit des années 80 aussi, avec Demon Tool et leur troisième album La Valse des âmes. Décidément, on n'en sort pas de ça. Et le morceau Les Abysses. Et bien maintenant, allons faire un petit tour du côté de Toulouse. Allez faire avec le nouvel album de Furia qui s'appelle Eternal Fight, groupe de métal symphonique. Et on va s'écouter quoi? Pas le morceau qui donne son titre à l'album. fin de notre petit périple en Finlande avec le deuxième album de Satura, In Tears of Rain. Et on vient de s'écouter donc Before They Die, plus près de chez nous, puisque Made in France, Furia avec son album Eternal Fight. Et ben voilà, c'était donc le titre qui donnait son titre à l'album. Et maintenant, si on se faisait un petit peu de blues, eh bien, l'ami Slash et ses potes, l'année dernière à Denver, s'est fait plaisir en jouant les grands classiques de blues et en a profité donc pour filmer et enregistrer ce concert qui vient donc de sortir récemment en CD, DVD, Blu-ray, et j'en passe, et des meilleurs. Et bah tiens, si vous aimez Slash, bah, il sera de retour avec ses potes de Guns N' Roses à Paris au mois de juillet prochain à Paris-Bercy, pardon, j'ai vraiment du mal, à l'Accor Arena Hotel, pardon, voilà. Eh ben, quel classique de blues on pourrait se mettre ce soir? Eh ben, je sais pas, moi, j'ai pensé au classique d'Albert King, Born Under Bad Sign, qu'on connaît principalement par Clapton à l'époque où il était dans Cream, ainsi que la version d'Eric Clapton, et puis il y en a eu bien d'autres, bien sûr, du blues rock comme on l'aime. Bref, Slash qui nous reprend ça, ça donne quoi? Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Écoutez Electric Shock avec...

putain que c'est bon ça. Oh well, un grand classique de Fleetwood Mac et juste avant un autre classique du blues, Born Under Bad Sign, donc tous deux extraits du Live at the Serpent Festival. C'est donc Slash qui s'y chargeait vraiment. Waouh, génial, moi j'adore. Voilà. Eh bien, on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour en Suisse, découvrir un projet qui s'appelle Divine Prophecy. Alors, Divine Prophecy, c'est un duo qui est composé donc principalement de Loïc Lou. Alors, Loïc Lou, vous le connaissez peut-être sous d'autres projets, sur Cybreed, Arcane ou entre autres Fragments. Et là, entre autres, il occupe les postes de chanteur, guitariste et de bassiste. Et il laisse donc à son compatriote Diego Rapacietti, voilà, je pense que je prononce bien, qui est actuellement donc le batteur de Coroner. Comme bon, ça fait quand même du beau monde. Eh bien, ce duo nous propose du def bien méchant, avec un album qui s'appelle un EP exactement, puisqu'il n'y a que 4 titres, qui s'appelle donc Vision, chanté en français, et on va découvrir le morceau maintenant, Prédiction, qui sera donc le morceau de ce soir. We'll be right back. Petite balade en Italie avec les énervés de Etsy et leur premier album Rising Through Decay. C'était Take This Fist. De l'Italie à la Suisse, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement. Et oui, c'est ça la magie de la radio. Et on a découvert donc Divine Prophecy et son premier EP Vision, avec le, Vision, avec le morceau Prédiction. Ouais. Suisse oblige, moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Celtic Frost. Hein. Ce qui est pas mal non plus. Continuons à voyager maintenant, allons faire un petit tour à Las Vegas, où l'ami Sammy Hagar, juste avant de prendre sa retraite, a fait une dernière résidence, où il en a profité donc pour jouer des classiques de toute sa carrière, quand même longue comme le bras, des morceaux évidemment de ses albums solo, de sa période Van Halen, de Montrose aussi, et curieusement aussi de sa période, la période Van Halen, mais de la période David Lee Roth, ouais, parce que c'est vrai qu'il a chanté quelques morceaux de cette époque-là, c'était normal, mais il se les a accaparés aussi, et il a estimé qu'il avait tout à fait le droit de les chanter, après tout, pourquoi pas. Et c'est vrai que, par exemple, sa version de Panama, qui figure donc sur ce live The Residency, est loin d'être ridicule, comme on peut s'en rendre compte tout de suite. Oh, Yeah. bien sympa ces reprises de Van Halen par Sabi Hagar, hein. Summer Nights et Panama, donc tous deux extraits du double live The Residency. Bah, on va continuer toujours avec les reprises, avec le tribute Metallica No Life Till Laser, a tribute to Metallica Kill 'Em All, donc l'intégralité du premier album de Metallica, repris par des groupes pour la plupart qui ont influencé Metallica, mais là non, c'est plutôt l'inverse, là, c'est plutôt un jeune groupe, puisqu'il s'agit de Soen, qui la sort vraiment de sa zone de confort et qui nous reprend une belle reprise, je trouve, de Motor Breath. Your name. Jelousic, extrait d'Apocalyptico, l'Ecstasy. Ben voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, juste pour Noël. Ça tombe bien, parce que le Père Noël viendra vous rendre une petite visite et vous aura plein de petits cadeaux à vous offrir mardi prochain. En attendant, des cadeaux musicaux, il y en a toujours, puisque la musique continue avec Electro Live maintenant, à Midnight Clubbers. Je ne sais pas quel cadeau ce soir Christophe va vous faire un petit peu avant Noël, on va voir ça avec lui. Salut, salut, bonsoir à toutes et à tous. Funky House ce soir, un peu plus funky et commercial. Donc petit prélude à Noël. Ouais, c'est là, pas d'émission la semaine prochaine, mais une le 30. Voilà, donc c'est l'émission un petit peu avant Noël. Voilà, c'est pour ça qu'il vous a prévu un petit programme. Ah, c'est pas un programme Noël, hein, c'est un programme Funky House. Bon. Voilà. Bon, ça s'écoute toute l'année de toute façon. Ouais. Ouais. Donc pas de problème. Eh bien, amis Nightclubbers, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.